elle ne sera jamais comme avant. Même si on se force, tout s'est brisé comme du verre. On ne reviendra jamais en arrière. Laisse fermer tes paupières. L'amour tombe en poussière. N'ouvre plus les yeux, n'ouvre plus les yeux. Qu'importe si je perds, qu'importe si je perds mon reflet dans les cieux. Mon reflet dans les cieux.